toi t'es juste là pour mon bench. Why you? Je veux pas que tu m'attends, après l'heure c'est plus l'heure. Je sais que ça date pas d'hier. Why you? Toi t'es juste là pour mon bench. Why you? Tu vas faire tes valises juste dans les temps impartis. Je sais même pas ce qu'ils nous veulent. Why you? Ça c'est de la jalousie, ils ont pas l'esprit tranquille. Plus personne n'est solidaire. Why you? Why you? Je sais que ça date pas d'hier. Why you? J'te réponds plus hôtel parce que là j'ai plus de batterie. J'te dis j'réponds pas hôtel, me prends pas la tête. J't'envoie balader dans ma tête et c'est pas la fête. J'pourrais tout énumérer, j'connais ton numéro. Le bon goût j'ai dû ferrer vu qu'on est parti à zéro. Quand c'est la guerre on fait la paix, mais bon c'est pas la peine. Je pense à l'essentiel, j'ai rendu fier ma mère. Il faut que j'arrive à les faire taire, nos vies c'est pas la même. J'ai connu mes galères mais nos galères sont pas pareilles. Toi t'es juste là pour mon buzz. Why you? Tu vas faire tes valises juste dans les temps impartis. Je sais même pas ce qu'ils nous veulent. Why you? Ça c'est de la jalousie, ils ont pas l'esprit tranquille. Plus personne n'est solidaire. Why you? T'as voulu nous faire du mal mais t'as fini en batterie. Je sais que ça date pas d'hier. Why you? J'te réponds plus hôtel parce que là j'ai plus de batterie. Je t'ai dit c'est trop la merde, nous deux c'est pas pareil. Je t'ai dit d'arrêter car en vrai toi t'es pas pareil. Tout ce que t'as c'est du pareil, c'est juste à l'apparent. Tu t'es pas préparé, ça se voit apparemment. J'ai vu ce que tu m'as donné, aujourd'hui tu n'es plus là. Tu veux te faire pardonner, me raconte pas tes salades. C'est vrai je suis étonné, mais moi ça me rend malade. En vrai je n'ai plus le temps, je dois faire la malade. Donc c'est vrai que c'est dur, la vie continue. J'ai plus de sentiments, j'aimerais partir ailleurs. Je vais rester debout, même si c'est tendu. Je veux pas que tu m'attends, après l'heure c'est plus l'heure. Toi t'es juste là pour mon buzz. Why you? Tu vas faire tes valises juste dans les temps impartis. Je sais même pas ce qu'ils nous veulent. Why you? Ça c'est de la jalousie, ils ont pas l'esprit tranquille. Plus personne n'est solidaire. Why you? T'as voulu nous faire du mal mais t'as fini en batterie. Je sais que ça date pas d'hier. Why you? J'te réponds plus hôtel parce que là j'ai plus de batterie. Donc c'est vrai que c'est dur, la vie continue. J'ai plus de sentiments, j'aimerais partir ailleurs. Je vais rester debout, même si c'est tendu. Je veux pas que tu m'attends, après l'heure c'est plus l'heure, plus l'heure. Je veux pas que tu m'attends, après l'heure c'est plus l'heure, plus l'heure.